sakonela Pedese Gabi Folo Salon Gabriel Place El Paris Oh, yeah, mommy, mommy. Risco tomba. Serge Mikama. Yoga Makina, American. Mbenga, pour toi. Le vrai prince au Congo, Ata Simba. Jean-Marie Kamenga. Roger Souna Weston Fonda Misa, le vieux Mamba Togo Nani Lambungu, le vieux journaliste. Zambi, Pati, Wai, Wai, Wai, Wai, Wai, Wai, Wai, Wai. Kazo. Riva dello Pipo, ma sta come a sapere in affanza failli sala défilé na ye chouchou chouchou ma vie ensemble malheureux ma ta foutre la tête de feu Mandingo de Versace Serge Idriss analyse Boa Kidima de Vandome Petit Jafar Sakamamu Baby Arata Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Sera Malonga Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya La fronta fronta mena parlo aba mesa bambwe nyangayi Chuchu merende Abosa nabikila Oyo topesana Jobe Sala, Chacho Dembela, Mère de Lyon, Tour de contrôle. Et Meki Dimbu, Salon de coiffure King Label, à Montréal. Jean-Luc Teka, Paris King Contact, à Château Rouge. Maître John, le leader. Ma petite a tendance, hein? Le prince Albert Lumila, Iberti Bangani, Café Coton. Freddy Lusambulo, l'ingénieur. Mustapha Toulanda, Olivier Dumou, Maître Tchalé Nzambayo Kalo Sambo Nanga Franck Idumbo, le millionnaire Ilola Noa Kocha la témoya mariage Adina Remi na kwela ni liboso ya sango mokoni Yela banangana lona mbuma ezalio José et Sam, Couture 27, des fidélités. Chiquita Moucha Chino. Louis Enema, intellectuel ya papa, Serge Mefa. Lelo na kani na kwela na nimi anile ni molonga ni asiko bambuna. Apole kisa tango na bambwa bamba. Libonza na maya talo kani wa. le petit sécurité na kwelie na komi pe moto na miswa bato rida chenzina bifle bifalo muzumbu libonza ya talo na suye Yunga na kweye Papi Nzinga Ami Levi Cécile Chibula La Maline Kenia Tolinganie Poule meyere poule pi Arnaud Tosi tole tozangi tokufi Technologie Koma José Nzingo Kozanga pepe kisi polingote Bonner nanga eza moire Mide te popa suki za karango Nadine Yaba Roger Mayemba Fumwa Boala Acha Mavoto Kiber Kanyinda Jean-Fils Mapuya Mami Domene Gisha Yaba Somotro Na Whitney, Brandon, na Diana, Bitumba Bababa, toujours, toujours, hein. Oh, oh, oh, oh Bitumba ya Bababa, eh. Les angi pe fote, les angi pe raison. Nanya koki kota bola Bitumba ya mana mane no singi. Moto pe suka ya likambo ebo ebanate. Ya wempe sa biso kimia, na di bala na biso. Walingo utabo mwana. Toyokani na maneno ntingi to lukanzela ya mpoto Toko mimpoto Ashanje na yebizaleli Arwa, Kadikul Bali Olivier Lunyanga, Titi double CD Na yeba ki yebo ete, okomi ko baby sanga motema he Komuze ya konfirme yo na lista bable ya pari Ogo sanike, ozalina mwasi nandako So pipe na ye na kacha li bota na yo Ebongi to ye baka ye Mwasi ya zani Jiki Vega Fololo oyo babwake la kama itango nyoso dime malenga e Jean-Jacques Panda Liosé Bazola Et Patrick Pakore Nalula ki maneno tingi Tresor di Mangondo Dia ye mono kaye Chagi Pazo Et Kiro Mafuta Papa na Jonathan Gifle wa Tambo Nga iko na benga kaya na bako mwono soya bolingo Na benga mi amore Willy Mouchenye Erve tse lele blazo la botale langa likambo Veno ya sangwe singa ye Nikolo ya mbongo na ye Wala soki ne fane jame A janwi mesa Mani veni nyongo maneno Papa omoni makambo maneno asalie La mikdi yo Papa omoni makambo maneno asalie Gifoli Boli mwangwe tonga kinzo na kachanti manangani Nelo kwa misinga lo katar na kachamuchi manayo Nebande li sukali na sukande bololo fadi Mbozi yo Kwa na benga kaya na bako maneno ya bolingo Ndi wa diski di soleil ya jonga di yo yo Jean-Paul Binanga Mama Wiva ya ya ya jo Hima lela Charlene Michigan Alema mwe Mamwe nubate Misha Keva Kukwende Tisa Erika Machuda Kukumba Teilu Anita Da Silva Kukumba Makuta Alema ke Bless Dio Voilà dit, on va rapper maintenant, car maintenant c'est maintenant. Ah ouais. On va pas couler ni kweno, Matrabanga, Ben Matata, Tchétché Tchernobyl, Olivier Litanda. On a trop marché, ah ouais. On a trop marché, de la plaine Saint-Denis, on a trop marché, maman, à Châtelet. Voici les négros, ah ouais, les négros. Les négros, qui te rendra à la dernière nuit Mireille Sheka La vision de ma vie éclaircit mon esprit Il faut pas beaucoup des amis en fait Kaba Benono yo Il faut pas beaucoup des nanas en fait Ibe Kanolo Le grand shérif Elle n'a pas qu'à Chuma Luiso Polondo Abel Karo Gato Janom Koko Tabu Dadi Manaka Poco Mene Poco Sukola Jean-Paul Santou, Flavo Ouma Il a trop marché, maneno tinga beaucoup marché Nenonka Il a trop marché, maman, na kata pario Inde, Marque On de a pas. Trop marché, Inde. Maman, Domino Nido De Luanda, Rio de On Janeiro On a trop marché, maman, Sonia Labado Il faut pas Paris, beaucoup les amis en fait Ando Niklete Manti Woyo Il faut pas beaucoup non, les nanas Rodi Il n'y a pas du tout Il n'y a pas trop d'amis Kimangunza, c'est que c'est que Moukou Ande kambala, ande kambwama, ande kambanyoko Na momo mwa pasi Le komando Omani biloko ya kusuma Akusuma Abena ya kusuma Bijou yere na kusuma kana tata moko Etienne Mundele, un dollar qui rayonne. Eina, Montonio Sazali Arter na kata film Andoto na ye Dan Inden de Real de Madrid Alex Enfumonti Bandera, hymne national Matuda Mandangi Football Boss Ganda Monique na Luanda Papa Kenda Chika Bay na yo Bizimanga Yaya na Kolombote Yerite Mulele, Yerite Mulele Claude Moseka, Raoul Itono Ministre des jeunes, il rejette les petits princes, trésor des cantons. Ça y est, maman, on voit la grande puissance. Kadi Koul Sarkozy, maman à Paris, Koukoudou, Guillaume Bougie de Bruxelles. Trésor et Londres, Matoumona, Roum, Mayo, Sila, Yé, Nono Gidoda, Hervé Lembi, International et Guy Emen. Propreté ni wa diski di soleil. Kapwete mané na tingi bitumba wa baba. Jojo mandé. Manika bamba drapeau blanc. Mapé à vibration des colonnes. Dédé pour passer à la Lumbashi. Oncle Wari Ar. Trésor en Eva. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapoy. Hey India, Jojo qui pend à Lyon, c'est le meilleur de Paris. Me réponds en paix. Le plus sexy de la ville. bangaga Florian Miyokono, Baudelaire Kouyena, Nalwanda.